en charge de chaîne. Ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé. T'inquiète pas, j'ai bien tweeté pour que le monde entier voit le QI de ton bébé. Dopé, dopé, dès le petit déjeuner, shit. Antidépresseur riche en fibres pour affronter la journée. Stoppé, stoppé, l'aigu du temps est impossible. Me faut du botox anti-ride pour l'éternel beauté. Le monde des hommes est complètement fou. À force d'en mettre plein la vue, l'avenir est complètement flou. Depuis les Facebook, Twitter, Instagram, y'a pas qu'avec le shit que les neurones sur l'instant. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire, donc t'es bien dans tes godasses. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est le cash. Toi t'en as rien à faire, génération no life. Ok, l'argent fictif sur Winamax traverse la Manche via Pokerstar. La routine on en a marre, j'peux faire le tour du monde en Vespa. C'est fini les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace. Sur la lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'extar. Un bout qui prend des paris, bientôt des Big Mac en Somalie. L'être humain et ses manies, mais que va devenir ta mamie? Les instituteurs, les manifs, les restos du cœur, les manix. Des barbares et des idaïs, des petites rabats qui jouent les caïds. Du shit dans les caddies, les femmes en lingerie, les barbus. I am Nabila en nouvelle égérie chez Barbie. Puis sans lui par la racine, oh prof de mathématiques, c'est l'enfer juste derrière la rue Paradis. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire, donc t'es bien dans tes godasses. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est le cash. Toi t'en as rien à faire, génération no life. No Life, c'est sur l'album de Révolution Urbaine avec Soprano et Révolution Urbaine. Révolution Urbaine, ils sont là. On est là, on est là. Et est-ce que Soprano est là aussi ce soir? Allô, bonjour. Invité mystère. Allô. Allô. Salut, oui, je suis là. Je suis invité là, mystère, là. Comment ça va? Impeccable, impeccable. En pleine forme. En pleine forme, voilà, l'équipe, ils sont là, on est content de les voir là. Et puis c'est vrai que j'ai pas été galant, mais on a entendu un petit sourire. Le meilleur pour la fin. J'ai dit sourire, un petit rire d'un seul coup. On l'a même pas présenté en premier. Tu m'en veux pas, Soprano, je reviens vers toi tout de suite. Non, mais il n'y a pas de problème, avec un grand plaisir. Puisqu'il y a aussi une autre invitée, pareil, en provenance de Marseille. Yeah. Qui est Kenza Farah. Kenza qui est là, comment ça va Kenza? Ça va très bien, merci. En pleine forme, laisse-moi regarder, tu es venue avec tes patins? Non, je suis venue avec mes grosses Jordan, t'inquiète pas. Attends, mais là, je l'ai pas vu depuis. Bah, mais moi non plus, je l'ai pas vu depuis. Je l'ai pas vu depuis, je voulais te le dire en face, c'est franchement. Gentil. Kenza on ice quoi. Bien travaillé. C'est gentil. Putain, bravo. En tout cas. Bonne expérience, c'était une belle aventure. En tout cas, Kenza et Sopra, ça nous fait énormément plaisir que vous veniez nous donner de la force. Bon, alors un petit mot sur chacun qui commence. Qui dit un petit mot sur Kenza, sur Soprano? Kenza, comme dirait la mèche, c'est la famille, c'est son explication. Nous, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, qu'on trouve très talentueuse. Et en plus de ça, humainement, c'est rien à voir. Et en plus de ça, elle vient de Marseille. Elle vient de Marseille. Non, il y a que c'est la combinaison parfaite pour nous. C'était un plaisir de travailler avec elle. Mais pareillement. Merci. Elle est sur l'album. On retrouve aussi Kenza sur l'album. C'est ça. On écoutera peut-être le morceau. On va même le faire en et live. Et vous le ferez en live tout à l'heure. À pas louper. Et Sopra, donc. Attention, il faut pas qu'il. C'est le patron, quoi. C'est un peu le boss. Après, il y a plus de budget après. Parce que c'est lui qui vous a signé chez Street Skills. C'est lui, c'est vrai. L'aventure 2009, en 2009. En 2009, tout commence avec Soprano et on a fait des dates de concert avec lui, des premières parties, des freestyles, des concerts, du studio. Il nous a appris énormément de choses. Et voilà, et merci à eux deux vraiment d'être là ce soir. Avec plaisir. Merci. Sopra, tu racontes d'ailleurs l'histoire ou pas parce que Sopra va sortir un livre qui s'appelle Mélancolique Anonyme. Merci, tu me l'as filé là à l'instant. J'ai mis la dédicace que j'ai vue pour toi. J'ai vu Aller PSG, merci, ça m'a fait très plaisir. Pour moi, marqué Aller PSG dans le livre, tu fallais quoi. Ah non, j'arrive pas à lire Aller. Il a marqué Aller l'OM. Ah, c'est et ça Mourinho. On commence les hostilités tout de suite. Enfin, moi, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour faire la fête tranquille. Oui, dans le livre, je parle de la rencontre. De la rencontre avec Révolution Urbaine. Parce il y a des anecdotes en plus, apparemment. Ah, il y a beaucoup d'anecdotes très, très rigolotes des dossiers de certaines personnes. Ah, c'est vrai. On va pas trop en parler, il faudra le lire pour comprendre. Mais la Révolution Urbaine, en fait, c'est mon coup de cœur, en fait. Ils étaient venus pour faire un feat pour leur projet. Le morceau s'appelait Ghetto. on avait fait le morceau et les mecs, sa première fois que j'avais vu des mecs arriver à côté de moi en face et venir, attends, on te fait un couplet, les trois ils étaient devant moi, pourtant normalement l'autre Zino qui commence à rapper, l'autre qui fait les bacs de l'autre côté, l'autre qui fait les bacs. Je croyais que j'étais à un concert, ça m'avait choqué dans le bon sens, tu vois. Je voyais la flamme dans leurs yeux, qu'ils aimaient le rap, ils aimaient le hip-hop, ils aimaient tout ce que moi j'aime beaucoup. Et direct, je me rappelle, j'ai appelé Mathéo, j'ai dit il faut qu'on les signe, ils déchirent. Et jusqu'à maintenant, je ne regrette pas parce que voilà, ils sont cool, ils sont droits, ils se prennent pas la tête, ils font la musique comme ils l'aiment. Et franchement, je suis fier d'eux, tu vois, leur premier album, 2 ans de travail. Mmh. Nous, on les a vus, les moments de doute où ils étaient là, se demander est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire. Ils écoutaient nos conseils, d'autres personnes, si on leur aurait donné des conseils, qu'est-ce qu'ils auraient fait direct? Ils auraient fait, non, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils comprenaient rien. Mmh. Eux, en fait, quand ils nous ont écoutés, franchement, je leur dis jamais, mais je suis très très très fier d'eux, tu vois. Et c'est ce que je leur demandais en début de semaine. C'est vrai qu'ils ont signé chez Street Skills en 2009, même s'il y a eu quelques projets. Mm-hmm. Là, c'est vraiment le premier album de Révolution Urbaine qui sort dans 5 jours maintenant. Ouais. Toi, t'avais quel discours? Qu'est-ce que tu leur disais pour dire voilà, soyez patients, parce que c'est vrai que ça peut paraître long de 2009 jusqu'à là, ouais, sorti 2014, donc 5 ans. C'est pas facile. Les gens ils le voient pas, mais le rap c'est très difficile. Même pas que le rap. La musique urbaine est très difficile. Kenza te le dira. C'est travail de tous les jours, parce qu'il y a des gens qui pensent un coup, mais nous, moi j'ai toujours pensé carrière. Et eux, c'est la philosophie qui. Et un jour, je me rappelle, on a fait une réunion, je me rappelle, on est arrivé au studio, je les ai convoqués, je leur ai dit, vous voulez quoi? J'ai dit, ouais, mais c'est quoi votre but? C'est quoi que vous voulez faire dans le rap? C'est quoi votre but? Ouais. Nous, on veut être là dans. Ils m'ont dit, on veut être là dans 5-10 ans, on veut faire de la musique jusqu'à. Et je leur ai dit, donc, le mieux. Soyez patient. Soyez patient et surtout soyez vous-même. Carte blanche. Parce que c'est vrai qu'il faut être là au bon moment. Il faut aussi avoir travaillé un petit peu en amont ce que vous avez fait en sortant des projets. Ouais, en compliqué. Allant un peu sur scène. Ouais, ils ont accompagné sur scène aussi. Ils étaient venus en première partie de rigoler. Ils allaient sur scène. Ils venaient dans ma loge. Oh putain, le concert, le public, il est chaud bouillant ce soir. Je crois que c'est le bordel. Avec la mèche qui essayait d'être Didi à cette époque. Maintenant, j'ouvrais le bal, c'était bien quand même. C'est bien, il peut répondre, il a le micro aussi. T'inquiète. Tu vas t'arrevenir. Et tu vois, quand tu regardes leur premier concert à aujourd'hui, tu vas voir l'évolution. Les mecs, ils ont grave. Ça y est, je pense qu'on a appris beaucoup. Vraiment, on a vraiment appris beaucoup de toi en te regardant. Merci. Déclare des choses, ce soir. Ouais, c'est joli, non? C'est l'amour fou. Kenza, tu as une petite déclaration à nous faire aussi? Non, mais franchement, je suis super touchée. Je me mets à la place de soprano parce que moi, ayant pris des jeunes artistes aussi sous mon aile, je me mets à la place de soprano de la fierté qu'il doit ressentir de voir justement ce projet aboutir, de voir le groupe qu'il a signé avoir son planète rap. C'est une belle récompense, et je pense vraiment que ce groupe Révolution Urbaine, c'est un groupe qui a beaucoup travaillé sur le terrain, et ils ont été patients, ils n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Les jeunes artistes, parfois, ils veulent tout de suite. Ils pensent que parce qu'on est une personne publique, alors on va réussir à les mettre en avant. Et je pense qu'ils ont été patients et que voilà, ils méritent, et que j'espère qu'il y aura encore plein de jeunes artistes qui auront cette chance aussi. En tout cas, ils ont la dalle. J'ai cru comprendre. Ils ont la dalle depuis longtemps. Juste une question. Je crois que Kenza aussi sort un projet bientôt. Ouais, hier, tu nous en as parlé. Ouais, on s'est vu hier en fait. Mais on va parler de votre projet, on y viendra. Allons-y quand même. C'est quand? À la rentrée. Ouais, mon album, il arrive à la rentrée. Il est terminé, je suis sur la fin. Il y a même un zénith, j'ai vu, qui se prépare. Ouais, il y a un zénith. Ouais. Mashallah. Ouais, ouais. Il y a le zénith le 25 janvier, Inch'Allah. Et puis, il y a le deuxième single qui arrive dans les jours à venir. Eh bah terrible, on va suivre ça. Et puis il y a aussi donc le bouquin de Sopra le 9 mai. Hein. Yes. C'est ça. Mélancolique anonyme. Oh putain, t'imagines. Il me tarde de lire ce bouquin en tout cas. Ah, tu vas rigoler toi. C'est quoi? C'est dans les bacs? Comment on dit pour un livre? Ouais, partout, dans les librairies. Même moi, c'est la première question que j'ai demandé à mon éditeur. J'ai dit, comment on dit ça? On dit précommande sur iTunes, je sais pas. On fait comment? On peut commander, il y a les e-books. Il y a les Fnac, on peut être précommande. T'as tout écrit tout seul? Ou tu t'es fait aider à un moment? Parce que c'est aussi un autre boulot, je suppose. En fait, écrire un bouquin. Je suis pas un écrivain. Moi, je suis pas un écrivain. Mon boulot, c'est de faire de la musique urbaine. Et c'est vrai que je voulais pas que les gens lisent ce livre en se disant c'est un roman ou je sais pas quoi. Moi, je voulais vraiment que ça soit ma plume, que les personnes sont à côté et ils ont l'impression que c'est moi qui leur parle à l'oreille et avec mes défauts et mes qualités à mélanger. Et c'est pour ça que je voulais absolument l'écrire moi-même. Bien sûr, après, il y avait mes collègues pour me corriger. Non, c'était pas à telle date ou telle date. Forcément. Voilà. Après, j'ai une bonne éditrice qui s'appelle Aurélie qui me disait ouais, mais là, je crois que ça, il y a que les mecs de ton quartier qui vont comprendre cette phrase. Tu vois, il y a des trucs comme ça, mais je voulais absolument l'écrire moi-même pour être sincère, pour être moi. Je veux pas que ce soit. C'est fou, j'ai pris au hasard, je tombe sur une page, je vois marqué l'OM, je vois marqué clip au stade Vélodrome, je vois marqué Pape Diouf. Ah, ça, ça parle de puisqu'il faut vivre. Voilà, et ben, il y a plein de choses. Et on parlait aussi un peu de la révolution urbaine qui sont venus à la tournée, parce que en fait, c'est plein d'histoires, c'est une autobiographie, mais il y a beaucoup d'histoires. Il y a des textes, j'ai l'impression, sinon il y a. Et il y a des textes, ouais. Et bah, terrible. Et bah, le 9 mai, faudra pas louper Mélancolique Anonyme. Voilà. De Sopra. Et comme pour Kenza, j'arrive après avec l'album, et dans si peu des surprises, mais je peux pas dire. Ouais, toi, tu viens toujours avec des surprises. À chaque fois, tu dis, je peux pas dire. On essaiera d'en savoir un peu plus avant 21h. Bon, sur Skyrock, on met un morceau de Révolution Urbaine. Oui. Lequel, messieurs? Je crois que ça va être Je Bloque aujourd'hui. Je Bloque. Je Bloque, c'est un extrait inédit. Voilà, on a voulu le balancer hier, finalement on le balance aujourd'hui. Eh ben oui, c'est vrai. Eh ben, on n'a pas eu le temps hier, on le met maintenant. Voilà, on le met maintenant. Je Bloque. On fait un buzz sur le clip. Ah. Oh, depuis tout à l'heure, on me dit, oh, tu vas voir le clip, tu vas devenir fou. Donc il faut que je le voie, ce clip de Ouais. C'est extrait de l'album Cheval de Troie. Donc le clip arrive aussi, si je comprends bien. C'est ça. Dans les jours qui viennent, là, en attendant, il y a celui de la Provence qui a débarqué hier. Hein. Qui a débarqué hier. Tuerie. Et No Life avec Sopra, toujours le clip en ligne sur YouTube. L'album toujours en précommande sur iTunes. Et le 5 mai, dans 5 jours, Inch'Allah, l'album dans les bacs, Cheval de Troie. Allez, c'est parti, je bloque maintenant Révolution Urbaine. Celui ce que l'on évoque, c'est dans l'air du temps, bâtir un avenir sur du pétrole. Il faudra bien que ça flambe, politique en guerre qui farandole. C'est l'apologie du sang. Et moi pendant ce temps c'est la crise ou calmement jugé de rébellion. Si j'ose montrer les dents et bang. C'est crevrin ce ringue. Désolé de ne plus vouloir me plaindre. Désormais je suis épinglé, atomisé dans l'explosion d'un zinc. Envoyé de l'autre côté. Balancer des cacahuètes à vos sèches. On va tous y épingler. Noyé dans l'alcool. Dis à du nouvelle frappe. Dis à du nouvelle marque. Religion et monarque. Soit t'es des nôtres de ce qu'on tape. Milliards de dollars. Milliards de regards. Moi je rallume mon pétard. Sachant que des fois je bloque. Là-haut. Car ici pas sur le bloc. Tout se vaut. Des fois je bloque. Là-haut. Car ici pas sur le bloc. Tout se vaut. Fric, pouvoir en petit comité. Crise, impôts et peuple endetté. Lutte, combat, milliers de décès. 4 pétards, 3 DSP. Que je me bute à l'excès. M'évader loin de la terre. Ici col blanc et patron font la paire. Aujourd'hui même deux frères se font la guerre. Et leur ennemi commun lui se réjouit du beau temps. La vie fait qu'on va se laisser faire. Même les plus brillants finissent par s'éteindre dans le noir. Me crever les yeux pour y voir plus clair. Ou rallumer mon spliff, essayer de garder l'espoir. Des fois je bloque. Là-haut. Car ici pas sur le bloc. Tout se vaut. Des fois je bloque. Sur les mains j'ai du sang rouge écarlate. Désinfecté par la tease. Car la folie de l'homme est inégalable. Le niveau de misère est dramatique. À la recherche du paradis. Survie fatiguée par la vie. Je veux le soleil des Caraïbes. Loin des roquettes des carabines. Quand vient la nuit, ton petit frère gare à lui. Apprends-lui le droit chemin et la prière du Tarawih. tous désolés face aux drames. Déboussolés par les femmes, ne fait que chaud mais parlez mal. Oh mon Dieu, pardonne-moi, Yema. Welcome dans le monde des damnés. Un ange au milieu des camés. L'ascenseur qui tombe en panne. Une petite sœur qui suce pour une canette. Pas de quoi se payer la planète. Se prend pour le chef de la Honda. Même pas de quoi fumer une barrette. Mais rêve déjà de sniffer des montagnes. Cocaïne et acide avariste. L'exode est sous la peau. Sous la peau. L'être humain se fascine, imbécile, car je n'y vois que du chaos, que du chaos. Cocaïne et acide avariste, l'exode est sous la peau, sous la peau. L'être humain se fascine, imbécile, car je n'y vois que du chaos. Skyrock et c'est le Planet Rap avec Révolution Urbaine et ce morceau donc qui s'appelle Je Bloque qu'on retrouve sur l'album. C'est une production déjà de Isaac Beat qui est dans la pièce, qui est dans la place. Isaac, voilà, il nous a demandé la dédicace. Eh ben bah, la dédicace est passée. Et c'est lui qui a fait nos lives et d'autres sons encore dans notre album. Grosse dédicace à tous ceux qui ont participé à notre album. Bon, ce soir il y a évidemment Révolution Urbaine, il y a aussi deux des featuring de l'album, Soprano qui est là, qui est présent, avec Kenza aussi qui est là, qui est de retour dans le studio de Planet Rap sur Skyrock. Soirée du live aussi ce soir, messieurs. On va même te présenter les morceaux avec eux en live. Très bien, on fera aussi un petit jeu dans un instant après la pub. Oui. Un nouveau petit jeu dans Planet Rap. Vous ne pourrez pas jouer, ce sera uniquement Kenza et Soprano qui vont devoir jouer. D'accord. Ah, ok. C'est le jeu du qui a balancé ce lyrics. Okay. Alors, il faudra nous dire si soit c'est un lyrics de Zino, soit un lyrics de Machiavel, soit de Brigante. Bon. Ouais. Sopra, il a peut-être un peu d'avance, Kenza. Ah ouais. Je te ferai des clins d'œil. Un clin d'œil pour Zino, deux pour Brigante. Je serai, c'est qui? De quoi? Juste les mots choisis, je serai. Franchement, s'il y a un ski, je sais c'est qui. Ski dans ville. Ski la famille. Ne bougez pas, ce sera dans un instant. Qu'est-ce qu'on passera aussi? Alors, il y a eu beaucoup de demandes aujourd'hui pour un morceau qui est écouté. C'est un morceau demandé sur les pages Skyrock des différents réseaux sociaux. Oui. Le morceau il est sur internet aussi, sur YouTube il y a le clip. Donc est-ce qu'on le passera aussi? Je sais pas si c'est prévu. C'est pas prévu mais on peut le passer. Eh ben dans un instant, ne bougez pas, on revient juste après ça avec Révolution Urbaine. Ça sort samedi, j'allais dire. Ça sort lundi, mais on peut le précommander samedi. Même avant, même ce soir. Maintenant, de suite. Maintenant. Il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic, hop. et c'est précommandé. Et attention à prix défiant toute concurrence, j'ai envie de dire. Ah oui, moins cher qu'un menu Maxi Best Of, on a dit. 7,90€ la famille. Pas cher. Qui a filé des cours à Dino Sopra? Qui a filé des cours? Ah, je sais pas, mais il est. Ah putain. Il y a un message, quelqu'un qui disait on dirait Vincenzo. Ah, sérieux, Vince il est pareil quand il fait la promo. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est bien, parce que nous on n'a pas de bonne mémoire. On n'a pas de bonne mémoire, c'est bien qu'il est là. Voilà. Et bah bougez pas dans un instant, on revient juste après ça. Révolution Urbaine a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Révolution Urbaine, nos invités, ils sont là tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 avec Kenza qui nous a rejoint ce soir, avec Monsieur Soprano qui est là aussi ce soir dans l'émission. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Parfait. Entre 20h et 21h, j'avais dit un petit jeu. Qui a balancé ce lyrics? Okay. Alors attention, ça peut pas être Révolution Urbaine puisque à moins que chacun connaisse pas ses lyrics. Mais si vous connaissez un peu la personnalité de chacun, alors attention, qui de Zino, de Machiavel ou de Brigante, voire La Mèche. La Mèche il a pensé et on l'a écrit. Voire La Mèche a balancé ça. Les Miss élégantes accostées par les gars galants. Bah Moi je dirais c'est Zinov Demi, c'est les gars, galants, il n'y a que lui qui peut faire des trucs comme ça. Kenza. Bien joué. Oh. Ouais, voilà. Moi aussi j'avais. Bon, allez, un partout. Un partout, voilà. Et Miss, donne-moi ton 06. C'est pas ça qu'il dit après Miss Galant. C'est ça, c'est Marseille. Ouais. Bien joué, bien joué. Ouais. Bravo. Yeah. Deuxième proposition. Fumez-tu, on s'en bat les couilles. Brigante. Bravo. Oh là là. Kenza, t'as vu ça? Sopra, t'imagines? Kenza, ça c'est renard de surface. Elle a attendu que tu sois mort de rire. Ah, hop, elle a glissé directement le hop. 2-1. Elle a trouvé direct. Direct, c'est Brigante, tu confirmes? C'est ça. C'est dans le morceau qui s'appelle Mon cousin avec Alonso. El Papi. Attention. La capitale de la fracture sociale. Elle a gagné. À ma décharge. Elle est trop rapide. Ouais, trop rapide. On a commencé avec Zino Soupçon. Momo, au lieu de regarder les infos du PSG là, filme un peu le dessous de table. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer entre Zino. Laisse les mains sur la table. Non, franchement, c'est. J'ai l'impression qu'il y a triche à la Marseillaise de ce côté-là. Franchement, j'aurais dit Zino. Le truc un peu truc de fou, c'était lui. Brigante. Voilà, et le troisième. Ah oui, intelligent. Bon, alors attention. Attention. Ayem et Nabila, on est nouvelle égérie chez Barbie. Zino. M partout. Elle a dit avant moi. On en était à 3-4-1. Oh là là, ça c'est du score de. C'est de la hagra. Ça c'est du score de PSG face à l'OM. Pardon. C'est plus celui de Mourinho, mais bon, on n'en parle pas. Attention à vos dernières propositions. Allez, pour l'honneur, Sopra. Mais c'est ça, en plus. Vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran. Macabre. En fait, on avait compris que c'était dans l'ordre. En fait, tout à l'heure. Et le dernier, ça allait changer, tu vois. Bon, allez, le dernier pour Sopra Surface. Okay. C'est tout dernier. Hein. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Je crois que c'est un mec des psychiatres. Je crois que c'est Alonso. Allez, c'était Soprano. Bravo, bravo en tout cas. Bravo. Là, Kenza. Elle m'a eu. Elle t'a eu. Cinq. Elle a bénéficié un moment d'un petit truc. Elle a eu un relâchement. Eh mais parce que quand j'ai entendu la phase, elle m'a tellement fait rire parce que je savais que c'était délu. Donc. Oh putain. Bon, ces morceaux, vous les retrouvez. Donc, c'était un extrait de No Life hein, pour le dernier. Zino, pareil. Hein, Ayem et Nabila, c'était dans No Life. Et puis, la Provence pour Machiavel tout à l'heure avec la capitale de la fracture sociale. C'est ça. Tout ça, on retrouve ces morceaux évidemment sur l'album de Révolution Urbaine. Cheval de Troie. Il y aura une question dans un instant d'ailleurs pour repartir avec l'album dédicacé. Mais juste avant, on avait promis un titre. Ça, qui écoutait, je crois, on avait promis. Qui écoutait? Ou même le live avec Kenza. Ah bah, comme vous voulez. Ah non, vous voulez faire le live avec Kenza? Ouais. Après, tranquille. Ok, alors on le fait après. Allez, qui écoutait et après le live avec Kenza? Laisse-moi te raconter mes débuts dans la vie. Mon père voulait que je fasse du foot, pas de la zik. Ma mère, elle, en fait, elle voulait d'une fille. Quant à moi, personne ne m'a demandé mon avis. Oui, mais les deux me disaient, pense à faire des sous. Je pense au voisin du dessus qui trafiquait le DF. Petit est déjà rusé, oui, j'ai pris des coups. Car je séchais les coups en attendant la vie de rêve. Mes potes sont en hesse et veulent voir des meufs. Ma meuf, elle, me répète que je vois trop mes potes. La drogue dans la tête dans la merde. La merde, c'est la drogue, bref, tu connais les potes. Le prof m'a dit d'aller travailler pour le SMIC. Le dealer m'a dit qu'on gagnait plus à vendre du shit. J'suis perdu, un coup c'est oui, un coup c'est non. Même si la vie est courte, sache que la route est longue. Maman ne fait que crier, me dit d'aller prier. Le soir quand je sors, je sais qu'elle ne dort pas. Mais mon pote lui est crié et ne pense qu'au billet. Ce soir il veut qu'on braque la bijouterie d'en bas. Dis-moi qui écoutait, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoutait, dis-moi qui me fait douter. Mon père m'a dit mon fils, continue ce que j'ai entrepris. Sois pas de ceux qui se cassent le dos pour une entreprise. Voilà déjà quelques années qu'on persiste, tout en fredonnant nos convictions sur des airs tristes. Ma daronne, que Dieu la bénisse. Elle me voyait docteur quand certains me voyaient béniste. On te fera croire que tu ne peux être une étoile et que tu ne pourras pas dessiner l'accord sur une de tes toiles. On m'a dit vite tes rêves, peu importe leur règle. La vie est assez belle pour en tenir les rênes. Et je m'éveille avec le sourire de mes petites merveilles. Et chaque couplet sera un placement pour leur Éden. Et même si j'avance dans le noir, je continue le combat, malgré les coups bas. Et si ça marche pas, je t'appellerai peut-être pour braquer la bijouterie d'en bas. Maman ne fait que crier, elle me dit d'aller prier. Le soir quand je sors, je sais qu'elle ne dort pas. Mais mon pote lui est crié, et ne pense qu'au billet. Ce soir il veut qu'on braque la bijouterie d'en bas. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Mon grand frère m'a dit d'arrêter de jouer les cons, ou bien je finirai par errer sous les ponts. Papa me disait d'aller visiter le monde, d'autres m'ont dit de rester, je ne vais pas citer de nom. Certains sont condamnés pour des histoires de cons, font la guerre à la Montana, et ça pour des histoires de pain après tant d'années. On a attendu tant de temps, les rides à Geneviève te font de nez. Sans le fond de teint, le riche m'a dit, pour t'en sortir il faut de l'or. Le pauvre m'a dit que l'or se trouvait auprès des cœurs, que l'avenir appartient à celui qui vit à l'aube. Éviter le pire alors, et ça pour le meilleur. J'ai choisi de crier, j'ai choisi de prier, j'ai choisi de vite envoyer des mandats à tous mes potos criés, avec qui j'ai grandi et qui ont préféré braquer la bijouterie d'en bas. Maman ne fait que crier et me dit d'aller prier. Le soir quand je sors, je sais qu'elle ne dort pas. Mais mon pote lui est crié et ne pense qu'au billet. Ce soir il veut qu'on braque la bijouterie d'en bas. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Maman ne fait que crier et me dit d'aller prier. Le soir quand je sors, je sais qu'elle ne dort pas. Mais mon pote lui est crié et ne pense qu'au billet. Ce soir il veut qu'on braque la bijouterie d'en bas. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Dis-moi qui écoute, dis-moi qui me fait douter. Cheval de Troie, révolution urbaine, centre-ville, Marseille. Le 5 mai dans les bacs. Révolution urbaine sur Skyrock avec ce morceau. Qui écoutait ce morceau? Extrait de l'album qui sort dans 5 jours maintenant. C'est ça. Ce morceau qu'on dédicace à des amis à nous qui sont incarcérés et qui nous écoutent très certainement dans leurs cellules, comme Boubou, la famille, tous les frères, Bibi. Momo Esteban. Bibi, ça, tous les frères qui Papou, sont qui Papou, sont Papou, hein. Papou, bien sûr, Papou. Papou à la montagne. Voilà, c'est un morceau qui nous demande qui écouter. Et ben voilà, qui écouter, une dédicace donc à tout le monde à l'instant. Dans quelques minutes, le live avec Kenza. Avec Kenza, oui. Morceau que vous allez faire dans. C'est la première fois que vous faites en live c'est ensemble. Ça. Vice City. Vice City, c'est extrait de l'album de Révolution Urbaine qui sort lundi. Et là, juste avant, ah. On va à la maison, à Marseille. Ah. Rejoindre Sony. Allô, Sony de Marseille. Allô. Ah, j'ai l'impression que vous connaissez. J'ai vu votre sourire. Ah, ouais. 99, le frère. Tiens-moi, tiens-moi. C'est un mec du 99. Voilà. Oh, le frère. T'as dit 99, moi je vais dire pas 99. Ouais, c'est la vérité, tiens-moi. Ça va bien, Sony? Ça va, les gars, ou quoi? Ça va et toi? Ça va, alhamdulillah. Ça va, ça va. Okay, bon, voilà. Tu as entendu, on a du renfort marseillais, il y a Sopra, il y a Kenza aussi, hein. Ouais, ça fait plaisir aussi. Donc ça, ça veut dire fais pas chauffer. Ça veut dire fais pas chauffer, le frère. Hein. Là, tu m'as mis la pression. Y a pas, tu m'as appelé le lundi à personne et tout. Là, j'ai grillé, là, je me manque, j'ai grillé. Allez. Et bah, Sony, on va t'écouter rapper maintenant, session freestyle par téléphone. C'est parti, tout le monde t'écoute. Allez. Ok. SLF. Rien de pas plus. Yeah. Ok. Parfait. Yeah. Je suis venu Jésus qui lui crut, c'est bientôt l'heure de clamer. Je sens que ma mort coûtera plus cher que mon vécu. Après réflexion posée, je préfère mourir jeune, ça m'empêchera de commettre plus de péchés. La chance n'existe pas, j'en ris, mais c'est peut-être pour ça que je suis poisseux. Je tergiverse dans tous les sens, mes conneries, c'est peut-être la cause. Illuminer des dollars dans les yeux en quête de gloire et pique ton sexe, jeu, alcool et cash, ton ex. Qu'est-ce qui se passe, on l'info, l'intox, le vécu, le mensonge, le sein, le tox, le pécule, la rançon, l'ennemi, le pote, le riche, le pauvre, arnaque, escroc, prop, folk, glock, clash, bord, crash, tournant la palais, parlons d'autre chose. Aïe, aïe, aïe. J'espère que le prix n'était pas décalé. C'est bien allé temps. T'inquiète pas, Sony, on sait que par téléphone, c'est pas évident. C'était lourd, le frère. Yeah, bravo. Mais parce que j'ai peur qu'il y ait un décalage par les trucs. Ça fait plaisir. Ouais. Eh ben, merci à toi. T'as des petits dédicaces à passer, un petit message. Déjà, je remercie Zino. Zino, le frère de chez le frère de chez le frère. Tout la révolution urbaine que je suis depuis le début. Et que l'album est lourd, lourd, lourd. Lundi dans les bacs. Je fais une grande dédicace à Reda. Du Nuage d'Orient. Eh oui, Reda le frère, Chipo bien aussi. Bien sûr. Reda, tout le monde, Chipo, tout le monde, c'est de Marseille. Je remercie tout le monde. Et encore big up à Zino, big up à Sopra et à Kenda. Et voilà. Et bah, merci à toi, Sony. Tout le monde, tout Marseille. Merci, mon poteau. Ciao, ciao, Sony, à l'instant. Allez. En freestyle, ciao, téléphone, bon. Quelqu'un que vous connaissez bien a priori, hein, Sony. Hein. Oui, c'est un bon pote. J'ai vu les grands sourires. C'est la famille, c'est vraiment la famille. La mèche qui fait des grands. On sait jamais. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le live? Moi, je suis prêt. On attaque le live, donc on commence avec Kenza. Kenza, allez, go, go, go. Allez, go, go, go, go. Bah, c'est parti. Ouais, déjà 20h35, il y a 10 foules qui se pointent dans un zone. Grosse à Jaresma, la famille, pour la production. Ok. Est-ce que dans Skyrock, c'est chaud, la famille? Révolution urbaine. Centre-ville, révolution Kenza. Urbaine, Kenza, Kenza. Yeah, yeah, yeah. Et yo, ça shark comme dans le film de Brian De Palma. Tu parles mal, faudra éviter les balles. Nous on écoute que du classique à la Aznav. Tu nous cherches, tu nous trouves chez ton barman. C'est fini la vodka pam-bam de paumé. Ça fait trop longtemps qu'on attend de les détrôner. On va te bomber, t'as pour faire des pompes. C'est soit t'es plombier, soit tu te fais plomber. Le week-end en Prada, la semaine en Air Max. La force à la mama, la folie t'es à Mad Max. Cousin, mon cassin, Gucci, Zerma. Tout ça pour mon Nika Bellucci et son terma. Yeah, faut le 4-4. Demande à l'Alain, faut que tu caches ta carte. On est invincible, on te tacle. C'est la Champions League, on joue en 4-4. Aveuglé par l'argent, tu rêves de vivre ta vie à fond. Tu devrais faire attention. Sois pas pressé de croquer le mot. Que je dis non, non, non, non, non. Tu me dis yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Non, non, non, non, non. Tu vas payer yeah, yeah. Grosse cheese, cramé comme un gofasse dans un RS4 blanc. Orgie, vas-y prends ton temps. On esquisse un sourire pendant que tu perds ton sang. Blue Magic est dans le hall comme l'a dit la section. Tu vas signer du sel. Mon centre-ville je ramène pendant que tu ramènes. Hipster à la touch French, Margiela et Balmain. Mamacita, benga, benga. Nefuse, magenta, calage dans la sienda. Retraite à Saint-Bar, ça zone grave. Non, non, ça traîne tard. Non, non, tu couris dans la brume avec un don en argent. Clou du spectacle en Martel. Martel, défoncé comme Antel. Montana, MALS qui peut tester ma vie. MALS qui peut tester ma vie. Par l'argent, tu rêves de vivre ta vie à fond. Tu devrais faire attention. Sois pas pressé de croquer le mot. Je te dis non, non, non, non, non. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Non, non, non, non, non. Tu vas payer, yeah, yeah, yeah, yeah. Bienvenue dans ma ville, bienvenue dans mes terres. En pleine crise identitaire, y'a des rats, y'a des tocos, des crimes et des proxos, des flics un peu locaux, mais j'en suis fier. Le liquide, tout le monde sait le faire. De l'or ou de l'argent, américain ou allemand. Blue Magic, l'équipe trop déterre. Défoncé à la hache, c'est la hache qu'on déterre. Viens dans ma ville, c'est comme dans un film. À la craie, les corps se dessinent. Profite bien, tant demain c'est fini. La concurrence, une rose sans épines. Tout ce qu'on vit, système des petites combines. Rien dans les poches, mais on plaît à ta petite copine. Bleu et blanc et le drapeau que l'on brandit. Brandit. Maintenant les petits dans ville ont grandi. Aveuglé par l'argent, tu rêves de vivre ta vie à fond. Tu devrais faire attention. Attention. Sois pas pressé de croquer le mot. Skyrock. Et je dis non, non, non, non, non. Tu me dis yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que tu dis non, non, non, non, non. Tu vas payer yeah, yeah, yeah, yeah. Révolution urbaine. Dans les bacs, 5 000 c'est dans les bacs, 5 000 c'est dans les bacs, 5 000 c'est dans les bacs. Skyrock, vous êtes là ou quoi, la famille? Bah oui, papa! Bah oui, papa! Bah oui, papa! Bah oui, papa! Bah oui, papa! Bah oui, papa! Bah oui, papa!

L'histoire continue à la recherche du bonheur. Yeah. On survit, on meurt, ça marche à l'humeur. Les gens sont lunatiques depuis le code de l'horreur. Si je veux, ça va très vite, je ralentis ou je débite. On rappe depuis Mars, on vous capte par satellite. Leur blabla me font rire, tous dans leur délire. Paraît que le rap est mort, je suis marabout qui vient le guérir. Couplé comme un cache, ton freestyle dérive. Paraît que la route est longue, on vient de loin, demande à Kenny. Vite, tous dans l'oubli, pardonne-nous, y'a l'oubli. Des fois dans nos têtes, y'a que la famille, les yébis. Fuck le monde et c'est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos têtes. On vit au taquet. Le paquet est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Je suis esclave que d'Allah. Donc on voit les gangs sur le ring, la ride et glisse sur la ligne. Voilà, première mesure, Mali. Au côté afghan, le Mali. Voilà pourquoi je salive. Le drapeau des states, des billes, get, les têtes africaines, têtes. Peut-être à faire des guettes, tapant sur nos petites têtes. Si t'aimes, tête, mon skate, peut-être que t'as les lèvres d'Angelina Jolie. Trop souvent sur le rallye, du bis. Faut que je donne des coups, rien à voir le coup. Plein de sang depuis nos coups, plein de sang. Je veux repartir en impro sur un freestyle lisé. Sopran Baba à côté de l'Elysée. On est là avec la révolution urbaine. Sopran Baba te shoot avec le truc de Kurt Cobain. Pour que tu sois assassiné, j'ai Sopran Baba avec les mecs que j'ai signé. Révolution urbaine. Urbaine. On va reposer la question. Remets Mechtan, laisse l'instrument. Allez, laisse la rentrée. Ouais, je suis unique, Mechtan. Il est pas prêt. Yeah. Est-ce que Skyrock est dans la place, la famille? Est-ce que ce soir c'est en le 5 mai c'est dans les bras. Le 5 mai c'est dans les bras. Le 5 mai c'est dans les bras. Le 5 mai c'est dans les bras. Le 5 mai c'est dans les bras. Le 5 mai c'est dans les bras. Sopra Street Skill, CMI Hostile, Basile Poli, Missy Roni, Asile Foli, Racist Vomi, Arby Poli, Anti-Police, J'arrive, oh oui, Tapis Only, Noaï, en ville, Wallah, voilà. J'enfile, Rodra, rentre vite, trop tard, tant pis, N-O-Z-I, à l'enfer, si, si, pas te faire voir, MC, on reprend, merci, lieu de colère, lieu de valeur, méga G, mes receleurs, bloc parti, là où on vit, là où on meurt, là où on lieu de colère, lieu de valeur, mes gadis, mes gadis, mes receleurs. Bloc parti, là où on vit, là où on meurt. Bah. Oh. Est-ce que dans les studios Skyrock ça va toujours la famille? Moi je veux qu'on chante tous ensemble ce soir, je veux qu'on chante tous ensemble, ça donne ça. Yeah, yeah. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. Sur Skyrock, on est stone. Et c'est parce que les résidents d'Anville, chez nous on te gang en ville. C'est le rappeur, hacker, rapta, ma gueule. Centre-ville, c'est sur le pendentif. Raconte-moi ta life, j'écoute les sons d'Air Santana. Si loin de Punta Cana, t'es cramé sous le bandana. J'me balade, chez toi à Paul Grand, donc papa n'est pas là. C'est banal, ne me demande pas pourquoi ou on te balafre. Faut le faire, faut le faire vite, écoute bien. À la base, t'as le permis, j'mets des coups de rein. Tout te dingue, j'ai la technique, t'as le week-end. Mon palais, t'as gâché, et c'est le boutin. Tout le monde. On est stone, on est stone, on est stone. Yeah. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. Sur Skyrock, on est stone. Yeah. 3-4 pétards, j'suis au ralenti. Mais j'pique sa mère la pute, j'vais vite comme un zombie. Blow. Faux clip, vos sons, vos textes, rien que ça s'en lent. Tourlou, tourlou. Rapper des heures, j'peux le faire, mais c'est trop facile pour nous. Pour nous. Aujourd'hui, tu t'es manqué. Manqué. J'te baise le jour d'après. d'après. Vicieux comme Vic Mackey, un opinel pour crever l'abcès. Évidemment, mon pétard est corsé. J'arrive à vous choquer sans forcer. Cheval de trois équés et la bande que personne ne pourra désamorcer. On est stone, on est stone, on est stone. Même Candy, yeah. Sur le crâne. Allez, retourne, allez, retourne. Allez. Yeah, ok. Les demoiselles veulent du Candy, Brandy, Monica ou même Candice. Banni sur le crâne lompi, pendant que les toxicos comme des champis. Pas la rabia ta Candy, ici on calache, calache les bandits. Toujours prêt pour un plan B, on fait passer la cam par ta frangine. Sky et Coca cristalline, Standy, pendant que tu t'es dans en ville. Le peur à rap pour des centimes, sans pitch, rap de raisin, tu me ventiles. Mon but est des 100 kilos sans fil, sur écoute et tu te confies. Ferme ta gueule, qu'est-ce t'en dis, ça fait 10 piges, j'y pense et je suis gentil. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. On est stone, on est stone, on est stone. Skyrock, on est stone. Ok. Mais je tombe. Remets-moi stone. Arrête, mais je tombe sur ma mère. Formaté par MTV Bake. On y retourne, on y retourne, on y retourne. On est stone, on est stone. On est stone. Mais je tombe qui est trop stone. C'est un gâcheur de freestyle en fait. Il est stone, il est stone. Ah oui, putain. Je vais revenir à la. Attends. Yeah. Je devais poser un putain de texte. Mais là, je vais te liquider comme si j'avais bu une bouteille Contrex. Avec mes gabas de Dex, les guis cassés à tous les mecs stone. Sauf en baba, tu déconnes. Tu devrais apprendre tes textes pour pouvoir lui mitrailler ses connes. Dédicacé à ceux qui m'écoutent. Sauf en baba, te lâche la goutte. Dans la tête, vu que tu essayes de faire le mec qui dit des gouttes. Je sais pas si tu comprends. Sauf en baba, toujours te prends. Y'a Kenza Parakela. Sauf en baba de Massilia. Zino aussi qui est là. Avec son feu de fada. Petit cassé à tous mes chiens de la casse. Venu de Marseille. J'ai pas ce que je dis parce que je suis stone. Sauf en baba, j'en ai l'air gone. Je continue à lâcher mes arpons sur les mecs qui essaient de déconner. J'ai pas ce que je dis parce que je suis en bon délire. Bon délire. Sauf en baba, continue, va falloir élire. Révolution urbaine, le 5 mai. Révolution le 5 mai. Il y a la rue, le 5 mai. Eh fallait que je rigole un peu sur cette. C'était la session live à l'instant. Grosse session live avec quelle reprise de ces classiques aussi. C'est bien plaisir à l'instant, merci à vous. Merci. Une dédicace à ma psychiatre, à LOR. Merci à Sopra, merci Kenza d'être passé aussi ce soir. Avec plaisir. On va se dire au revoir dans un instant, juste avant, on fait tourner rapidement la roulette avant de retrouver D-Fool, c'est parti. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani, plus des places pour la finale de la Coupe de France de football. Robin de Limoges, comment ça va Robin? Ça va, tranquille, et toi? En pleine forme, prêt à faire tourner la roulette? Exactement, après, avec Sopa et tout, là, et c'est voilà. Lourd. Après l'ambiance marseillaise, Robin. Eh, hey, tu es là, D-Fool? Là, c'est Robin pour l'instant. On est là, Ah, ça va. Il arrive, il arrive. Oh, portez chance à lui qui va tourner la roue, là. Allez, Robin, dès que tu on s'y met tous, on porte chance tous ensemble. Stop! Oh là là! Allez, on est stone, on est stone. On est stone. Eh ben voilà Robin, finale de la Coupe de France où malheureusement tu ne verras pas Marseille. Mais... Ah ça va. Mais c'est samedi au Stade de France et t'as 4 places, Robin, 4 places. Franchement merci. C'est magnifique, c'est pour toi. Merci Sky, merci, merci. Et puis bonjour à toutes, voilà. Est-ce que je peux passer une dédicace? À toutes, quoi. Bah, à toutes. Vas-y, vas-y, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y Robin. Bah, dédicace au tout NRC et MUC de Clermont-Ferrand. Et voilà, il y a ceux qui m'ont reconnu. Et à Sopra, Kenza Farah et tout le monde, voilà. Eh ben merci à toi, yes. Robin. Passe une bonne soirée. Merci à vous, merci à la Révolution Urbaine. Est-ce qu'on peut, je peux rajouter un truc? Vas-y, vas-y. C'est pour dire que samedi soir, en fait, on est en showcase avec CBR Click au Village Russe. Donc, pour ceux qui voudraient nous voir sur scène, c'est à Paris. Voilà. Et ben, merci à la Révolution Urbaine. Merci Kenza. Avec plaisir. On attend la rentrée, nouvel album et 25 janvier le Zénith. Ouais, 2015. Zénith. Ouais, exactement. L'album ça il arrive. Loin, mais ça va vite arriver. L'album il arrive. Il est sur la fin. Il s'appelle Charismatique. Premier extrait, Yatayo, il est déjà disponible. Voilà, un gros délire, un gros kiff. Et il y a le prochain single qui arrive dans les jours à venir. Merci Kenza. Avec plaisir. Sopra, ben merci à vous pour le bouquin. Yes. Mélancolique Anonyme, ça sort le 9 mai, le bouquin yes, de le Sopra. Je crois qu'on est rapporté d'ailleurs pour Difoulé pour toute l'équipe. Je vais leur donner. Ah, mais on sait pas lire. Comment quoi, vous savez on pas, sait lire. Pas lire n'importe quoi. Ah, moi si, mais les autres membres de l'équipe, c'est difficile. Tu ouais, sais. C'est ça, ouais, t'as raison. Ah merde, j'ai fait une dédicace, j'ai fait Difoulé et son équipe. Donc il fallait que je marque que Difoulé, c'est ça. Ah bah voilà. Non, mais c'est gentil, Sopra, merci en tout cas. Ah ouais, c'est gentil. J'arrive. Je vous l'amène. A tout de suite, Sopra. Et merci à Révolution Urbaine. Demain, on se retrouve un petit peu avant 20h. Même le 1er mai, on sera là. Exactement. Ce sera pas férié pour Révolution Urbaine. Non, je peux faire le travail. Je peux faire une dédicace. Bon, déjà une dédicace à des gens qui nous suivent depuis longtemps partout où on va. Nuna, Fabio, Fabia, Christelle, et une grosse dédicace à Monsieur REDK. Son album est dans les bacs. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent ouais, l'album il tue. Il suffit pas de venir me dire l'album il tue. Il faut aller l'acheter. Faut pas dire l'album il tue. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après. Faut le dire après. Voilà, quand parce que voilà. Parce que tu vois, il faut motiver les artistes quand ils font du bon travail. Donc voilà, une grosse dédicace à Monsieur REDK. Et c'est pareil pour la Révolution Urbaine. 2 ans de boulot, ils nous ont fait un truc de ouf. Pour les gens qui aiment le rap technique ou les rap un peu à l'américaine ou sinon des morceaux à thème, il y a la Révolution Urbaine le 5 mai. Et voilà. Et voilà. Toujours en précommande sur iTunes, la famille. Tu vois, il est toujours là. Il est trop fort, trop fort. Et ben, rendez-vous avec tout le monde demain. Merci à vous tous. Merci à toi, Frédéric. Difoulé. Ouais, c'est parti pour nous. Toute l'équipe est là. Juste pour les dégâts. Ouais, grosse soirée ce soir. Il y a les Lascars qui passent nous voir ce soir. Terrible. Ouais. Oui, soir avant minuit. Ouais, terrible. Soyez avec nous jusqu'à minuit. Dans un instant, ça démarre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Hein, si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez un truc à demander, profitez-en. Radio Libre, c'est parti. La Révolution Urbaine, ça recommence demain juste avant 20h. Ciao, ciao. Ciao, Fredo. Ciao, les Marseillais. Ciao.